colle à mon qui bien. Allô Piron, dis-moi si tout va bien. Arrête les pleurs, tu te fais mal au cœur. Awanga Eric Mandala, ma banzo Senayo. Toutes les nuits je ne dors plus, je ne pense qu'à toi bébé. Et je n'arrive pas à me retenir, je suis par terre. Bah avion, bateau et kumbinga, musique na yo. Koluka vie, social love na yo. Eza kozangi zanga kimia, crise ya chaleur na yo. Note eza kolenga lenga, social love na yo. Eza kozangi zanga kimia, crise ya chaleur na yo. Note eza kolenga lenga. Kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli. En train de battre le battement de l'amour qui nous a manqué. Tout ce que je peux espérer, Maria, c'est de vivre avec toi. Tout ce que je peux espérer.